Alors bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Gémozo 107FM, vous nous écoutez également en streaming sur notre site internet www.radiogemozo.fr et avec nous aujourd'hui au téléphone, Monsieur Benoît Hartenstein, président de l'association La Voix de l'Arbre, bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment allez-vous? Merci. Ben très bien, je vous remercie bien. Eh ben merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour faire connaître eh bien votre association et son objectif, alors qui est la mise en place d'événements destinés à mieux faire connaître l'arbre et son écosystème pour mieux le protéger. Depuis quand existe cette association? Alors elle existe depuis maintenant 2 ans. D'accord. Ça fait 2 ans que oui, nous sommes sur le terrain. D'accord. Eh ben c'est super. Voilà. Alors Le monde compte 60 065 espèces d'arbres différentes. Alors vous m'arrêterez si je me trompe, dont 9600 au moins sont menacées d'extinction selon la première étude universelle sur les arbres publiée par le BGCI spécialisé dans la préservation de la diversité botanique. L'arbre est bien sûr un des éléments essentiels de notre environnement et pourtant le monde a perdu 12 millions d'hectares de forêts tropicales en 2018. Est-ce que c'est fort de ce constat que vous avez décidé de vous mobiliser? Alors oui, tout à fait, oui, voyant, sachant, entendant ce qui se passe dans le monde, mais par contre, notre action, si vous voulez, elle se veut extrêmement enthousiaste en étant lucide, oui, et en soutenant notamment le documentaire L'intelligence des arbres, oui, qui en fait, tout en ne niant pas ce qui se passe, mais en montrant l'intelligence des arbres, justement, pour mieux les connaître, voir que ce sont des êtres vivants, et sensibles, oui, que la nature n'est pas un décor, c'est une façon aussi de faire changer le monde. Si on prend conscience que nous sommes qu'un des éléments, alors modestement, chacun peut évoluer, mais c'est surtout en transmettant la connaissance, le partage, le savoir que ça peut évoluer. C'est notre angle d'attaque et ce qui nous motive. D'accord. Vous voyez. D'accord. Voilà. Alors cette intelligence, justement, on la découvre que vraiment depuis peu? Alors, en fait, depuis peu, les scientifiques ont accès au grand public. Ça, c'est comme depuis quelques années que des magnifiques découvertes ont été portées. Oui. Mais effectivement, on se rend compte que les scientifiques ont à cœur de les partager avec le plus grand nombre et que tout le monde est enthousiaste et avide d'informations. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Alors l'arbre, bien sûr, il a de multiples bienfaits pour notre planète et nous, ses habitants. Est-ce que, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors il est producteur d'oxygène, bien entendu, il lutte contre la corrosion du sol, mais il en existe beaucoup d'autres? Des bienfaits? Oui. Oui. Alors oui, si vous voulez, notamment, alors on va adapter le documentaire L'intelligence des arbres aux élèves des écoles primaires. Ah oui. Parce qu'en fait, les arbres ont beaucoup à nous apprendre aussi sur les comportements sociaux. C'est vrai. Beaucoup, beaucoup. Et c'est une leçon de vie naturelle à portée de nos yeux. C'est vrai. Et notamment, oui, je peux vous donner un exemple si Allez-y. Vous voulez. Allez-y. Oui. Si vous voulez, ce documentaire est issu du livre de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres. Et ce forestier allemand a observé dans sa forêt, comme de nombreux forestiers bien sûr, c'est pas le seul, mais des souches, des vieilles souches coupées qui étaient encore maintenues en vie. Ah oui. Donc la question était de se poser, était de savoir pourquoi et comment des vieilles souches étaient maintenues en vie. Mmh. Et en fait, ça a été confirmé par des scientifiques. Les vieilles souches, n'ayant plus de feuilles, ne peuvent plus photosynthétiser et donc avoir du glucide pour vivre. Elles ont forcément des ressources qui viennent des arbres voisins. Et oui. Et les arbres voisins leur transmettent par les racines. Donc tout ça, ça s'explique. Alors après, l'autre question qui nous mène encore plus loin, c'est pourquoi des arbres ont intérêt à maintenir des souches en vie? Et la réponse, là, est stupéfiante. C'est qu'en fait, les vieilles souches, ce sont des mémoires des forêts. Elles ont intégré les anciennes attaques de parasites, notamment, et elles sont aptes à même de prévenir les arbres sains, voisins, d'attaques imminentes. Wow. Donc ça nous montre en fait le lien intergénérationnel entre les arbres, et ça nous incite, nous, encore humains, à prendre encore plus soin, si ce n'est le cas, malheureusement, de nos aïeux, vous voyez. Ce sont des mémoires, il ne faut pas les laisser dans des mouroirs, attendre la mort. Les arbres nous donnent une leçon fantastique, et c'est une parmi bien d'autres. C'est vrai. Merci beaucoup pour cet exemple, en tout cas, qui parle vraiment, qui est très très parlant. L'association La Voix de l'Arbre, on l'a dit, a pour but d'organiser plusieurs événements. Hein. Par exemple, donc la diffusion de films. Vous parliez de l'intelligence des arbres. Je suppose que c'est celui que vous diffusez le plus. Exactement. Alors pour l'instant, oui, on diffuse depuis 2 ans. Ça fait une quinzaine de fois qu'on l'a diffusé. On a commencé dans les petits cinémas et maintenant, pour vous dire le succès qu'il a. le Kinépolis, au niveau national, nous a demandé de l'accompagner dans toutes leurs salles de France. Ah oui. Oui, donc toutes les salles de France du Kinépolis diffuseront l'intelligence des arbres. Et avec notre association, nous faisons venir des intervenants locaux qui ont envie de partager aussi, d'échanger pour que les personnes dans les salles puissent à nouveau partager aussi leurs connaissances, leurs échanges, leurs questions, comme sur une place de village. Donc, vous voyez, c'est un documentaire en fait qui est indémodable, inaltérable, et on soutiendra jusqu'à plus soif. Mais ça c'est sûr, j'imagine. Donc voilà. C'est vraiment un moment de sensibilisation, mais pas que. Hein, c'est vraiment on rentre dans une connaissance qui nous échappait jusqu'ici. Hein, c'est vraiment voilà, on apprend à connaître nos frères les arbres à ce moment-là. Exactement, c'est tout ça. À fait. Donc est-ce qu'il y a des événements là qui vont bientôt arriver? Oui, alors jeudi prochain, jeudi 9, oui. Au Kinépolis de Thionville. D'accord. Et là, donc une diffusion aura lieu à 20h et nous avons une grande chance que Hank Kieft, qui est un agronome néerlandais, a accepté notre invitation. Donc il va venir, c'est un des intervenants du documentaire et il sera là à l'issue du film pour échanger avec les spectateurs. Wow. Et en plus, il nous fera écouter une musique des plantes qu'il a réussi à enregistrer. Ah, ça c'est super, c'est super. Oui. Il y a beaucoup de choses, hein, des conférences, des expositions, des festivals, des sorties en forêt. On organise des événements assez souvent. Alors, on aimerait bien encore davantage. Oui. Nous, on est une petite association, mais on essaie vraiment d'être sur le terrain. Vous voyez, notre objectif, c'est le partage des connaissances. Donc, dès qu'on peut partager, faire profiter, on le fait, mais on voudrait bien plus chacun, mais on fait ce qu'on peut dans notre sphère d'action. Oui, ça va venir. En plus, c'est une jeune association, 2 ans. Combien il y a de membres au sein de cette association, justement? Alors, des membres, on est 7 pour l'avoir constituée. Oui. Mais on a aussi donc un site internet et puis une page Facebook. Là, on a au moins 100, 250 personnes qui nous suivent régulièrement. Oui. Parce que par ailleurs, ce qu'on fait aussi, moi étant juriste, on essaye de faire un recueil de différentes décisions, voyez, de façon pratique, judiciaire, qui protègent aussi les arbres. Alors, non pas contre les hommes, mais pour les hommes, voyez. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui sont éplorées de voir des arbres coupés injustement, sans aucune raison valable, alors qu'ils ont une utilité fondamentale et le droit d'exister. Et on se rend compte qu'il y a des juges courageux, ben, qui osent et qui ont compris. Oui. On peut pas tout faire et n'importe quoi. Donc nous, ces décisions, on va les recueillir et aussi les partager avec le plus grand nombre, si les gens veulent s'en saisir, s'en servir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors contre justement ces coupes d'arbres injustifiées ? Parce qu'on sait vraiment pas vraiment à qui ça appartient tout ça en fait. Ça devrait appartenir au monde, mais voilà, on acquiert des terrains, des forêts, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que voilà, qu'on coupe des arbres comme ça? Alors, votre question est vaste. Hein. C'est vrai. Alors, ce qu'on peut faire, moi je ne suis pas un spécialiste malheureusement, mais je sais très bien, et là on fait paraître aussi des articles dans la presse, que les élagages ne sont pas toujours indispensables. Quelquefois ils sont faits de façon trop violente. Oui, c'est vrai. Donc on a besoin aussi de confronter des spécialistes de l'élagage. Donc c'est ce qu'on fait. Nous, on n'est pas donneurs de leçons. On veut simplement que l'échange de communication, d'informations circule. Ça, c'est une chose. Les élagages sont utiles, mais on ne peut pas en faire des moignons comme on voit des arbres dans les rues, c'est horrible. Mmh. Il reste des troncs comme un poteau, c'est invraisemblable. Et par ailleurs, oui, vous disiez justement, les arbres appartiennent à tout le monde et à personne. La nature ne nous appartient pas, on est simplement des passants, on est usufruitiers, on est là temporairement. Et en parallèle, si vous voulez, aussi ce qu'on soutient, un mouvement mondial déjà qui se rapproche de la France, c'est la reconnaissance des droits de la nature. C'est super ça. Oui. D'accord. Et là, si vous voulez, c'est-à-dire, c'est dépasser totalement le droit de l'environnement, qui est encore totalement anthropocentrique. Toutes les règles de droit sont tournées dans l'intérêt de l'homme aujourd'hui. Oui. On protège la nature pour l'homme. L'objectif, c'est de protéger la nature pour elle-même. Et ben oui, tout à fait. L'homme étant au sein de la nature, on se protégera par la même. Mais l'objectif premier, c'est pas l'homme, l'objectif, c'est la nature. C'est Donc il y a tout un mouvement mondial de reconnaissance du droit de la nature qui émerge. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas d'être de donneur de leçons, que les gens changent violemment d'attitude, c'est d'ouvrir les consciences, les cœurs, en partageant les connaissances. C'est vraiment le fond de ce qui nous motive, le partage. Merci. Ouvrir les consciences, les cœurs, les connaissances, en échangeant, dans l'évolution. Eh ben oui, c'est magnifique en tout cas. Est-ce que, voilà, si on a envie de se mobiliser avec vous au sein de l'association La Voix de l'Arbre, on peut devenir bénévole? Alors bien sûr, bénévole. Alors justement, comme on a donc notamment les Kinépolis pour l'instant qui nous ont sollicité, on a toutes leurs salles de France ouvertes. Pour l'instant, on est en train de rechercher des associations de bonne volonté qui veulent, comme nous, aller sur place, sur le terrain, sachant que la salle sera ouverte pour pouvoir ouvrir un échange avec les spectateurs. Donc je pourrais vous donner la liste des différentes salles. Oui, c'est sûr, certaines sont un petit peu loin, mais comme on est tous connectés, hein, ça c'est le côté positif de ce monde, oui. On est en réseau comme des champignons. C'est vrai. Donc on peut trouver des contacts. Hein. Voilà. Et puis par ailleurs, on a donc un site qu'on a ouvert. Comme on souhaite adapter le documentaire « L'intelligence des arbres » aux élèves d'école primaire, en lien avec Jupiter Film, donc on sait maintenant, on a le budget, c'est 50 000 euros. Donc là, on sollicite aussi des aides financières, on a déjà presque 10 000 euros. Et l'objectif après, c'est de le partager, de le donner. Il ne sera pas payant pour les élèves d'école primaire. Encore une fois, c'est le partage. Voilà, je me répète, mais tout passe par là. Comme un repas qu'on présente, chacun se servira ou pas, mais il sera présenté. D'accord. Donc si jamais on veut vous aider voilà, par rapport à tout ça, on se rend directement sur le site internet de La Voix de l'Arbre ? Alors, dans un premier temps, si vous voulez, oui. Alors, notre site, il va être ouvert bientôt, il l'est, là, il faut que je vois mes amis. Oui. Mais tout à fait. Sur Facebook aussi, vous pouvez après, les personnes peuvent nous contacter et on recontacte tout le monde ensuite, bien sûr. Hein. D'accord. Tout ça, ça se met en place, oui. D'accord. Alors, particulièrement, si on s'intéresse à vous, d'où ça vous vient, cette sensibilité vraiment profonde pour les arbres? Alors, moi, j'avais ça en moi depuis longtemps, alors pour vous dire... Il n'y a pas de hasard, je pense, dans la vie, mes parents et mes grands-parents étaient menuisiers. D'accord. Alors c'est sûr que là, l'utilisation de l'arbre était faite autrement, mais on a besoin d'arbres pour vivre. L'objectif, c'est plus couper d'arbres, c'est d'être en partenariat avec eux, de respect. Donc, mais j'avais toujours cette sensibilité à l'arbre. Et c'est à la lecture du livre de Peter Volleben. Alors là, j'ai eu vraiment un moment d'ouverture d'esprit, de cœur, de conscience. Je me suis dit, mais oui, effectivement, il faut en parler, il faut échanger, il faut partager. Donc c'est à la lecture de ce livre de Peter Wolleben qui a un succès mondial. Hein. Je suis un parmi les millions de lecteurs. C'est vrai. Oui, voilà. C'est vraiment un vrai succès. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu, en tout cas, à toutes mes questions. On va reprendre avec vous, eh bien, la liste des salles où l'intelligence des arbres sera diffusée et toutes les autres informations qui pourront être précieuses pour les auditeurs qui ont envie de se mobiliser ou peut-être de se sensibiliser, de se reconnecter, etc., etc. Voilà, n'ayez pas peur, passez toutes ces frontières. En tout cas, si on veut aller directement sur votre site, ça se passe sur www.lavoisdelarbre.com et sur Facebook, eh bien, La Voix de l'Arbre, tout simplement, et on vous retrouvera directement, voilà, sur cette page. Et je finirai avec une citation, eh bien, que j'ai trouvée sur votre site. Plus vous voulez vous élever, plus il vous faut avoir les pieds sur terre. Chaque arbre vous le dit, et ça vient de Michel Tournier. Merci beaucoup, monsieur Hartenstein, d'avoir répondu, en tout cas, à mes questions. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.